用不能省钱去上工，还可以还是可以而且是多的可以去省多少的车用不能省钱去上 Je sais pas si je vais pas faire un gros au Québec là. Demeurer un hôtel. Je crois que l'amour, je suis plus d'être apparent. Je vais voir un peu comment je vais. Ben, est-ce qu'il a pris dans l'hôtel? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions par la même occasion que le Seigneur puisse dépouiller nos cœurs. Qu'il puisse dépouiller nos cœurs de tout ce qui ne nous pas. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, fais très simple. Père, nous prions, Seigneur, pour nous. Nous prions à toi. Nous prions, Seigneur, pour que nous voulons voir cœur, Seigneur. Père, circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs, Père, et enlève tout ce qui va nous voir. De tous les excédents, Père, de ce qui charge nos cœurs, tout ce qui surcharge nos cœurs, et tu nous invites à les déposer au pied de la croix, Seigneur. Tous les fardeaux sur les cœurs, Seigneur. Les ressentiments, Père, sur les cœurs. Les manques de pardon sur les cœurs. Oh, la colère sur les cœurs, Père, de tous les côtés. Mais enlève tout ce qui ne nous donne pas, Seigneur. Tout ce qui ne nous donne pas, Père, d'avancer dans le droit chemin, Père, de tous les côtés sur les cœurs. Enlève, Père. Tu veux un cœur bien disposé pour te servir, Père. Nous te prions, Seigneur, prends le nous contre toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, bienvenue. Amen. Amen. Assurons-nous avec ce cantique. Mon Dieu, tu prends le droit de 247. 247. Mon Dieu, tu prends le droit. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des questions? Oui, mon cher. Je voulais poser une question pour le cas de Joseph. Lorsqu'on dit que le serviteur de Potiphar ne se souvient pas de lui, je voulais savoir si est-ce que le Seigneur vous parlait qu'il voulait obtenir la bénédiction par ses propres moyens. Okay. On a dit qu'il ne se souvient pas de lui, non? Et qu'il a oublié, c'est ce que ça veut dire. La phrase veut plutôt montrer que quand Dieu a prévu quelque chose, même si l'homme veut t'aider, ça n'arrivera pas. Ça va arriver autant que Dieu a prévu, n'est-ce pas? Si Dieu avait prévu, parce que dans ce livre de Genèse, où Joseph était en prison, la Bible déclare qu'il prophétisa pour les deux, ceux qui l'ont trouvé en prison. Il a dit à l'un que tes songes que tu as vus sont une et même chose. Que dans 3 jours, on va te relever et tu vas servir le vin dans les bras, dans la coupe du roi. L'autre voyant, le deuxième voyant que le songe était favorable sur l'autre côté, il a aussi donné son songe. Et là, il lui a dit, dans 3 jours, on va te relever, mais on va couper ta tête. Mais il a dit à celui qui sera favorable auprès du roi que lorsque tu vas sortir, souviens-toi de moi. La Bible déclare quand il est sorti, il allait auprès du pharaon. Quand il se souvient de moi, ça suppose que celui-ci sert le vin dans la benne du roi. Quand le roi s'assoit pour faire le jugement, n'importe quoi, il tend le gobelet, celui qui sert. Donc là, il a en relation avec le roi. Il peut parler en faveur du roi, d'un prisonnier. Mais maintenant, il y a un motif qui a envoyé Joseph en prison. N'est-ce pas? Ce motif-là est injuste. Ce n'est que le Dieu juste qui peut le justifier. Pharaon n'a pas le pouvoir de le justifier. Parce que si le justifie, il va encore le rendre esclave. Ou bien on va encore le rendre esclave plus. Il faut qu'on le justifie, la celle qui soit non, déclaré non coupable, comme au premier abord. Alors là, la relation humaine va entrer en action en disant, quand tu seras devant le roi, souviens-toi de moi, parce qu'il t'a parlé favorablement. Avec l'onction, on peut créer l'amitié des hommes, mais pas la faveur de Dieu directement. Tu vois cela? Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais maintenant, Joseph savait que ce n'est pas cela dont il est question. Mais là, regardez bien qu'après cela, Dieu a encore jeté la famille était encore accentuée au point où les gens vont descendre, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre à ce même pharaon-là d'avoir un songe. Si Dieu avait donné le songe à quelqu'un de l'Égypte, ça n'aurait pas d'effet. Mais il donne au roi du pays. Il donne au roi du pays qui a le contrôle surtout pour qu'il prenne les décisions nécessaires. Parce que s'il donnait ça à un quartier, le quartier va dire qu'il va même voir le président pour lui dire que j'ai vu tes songes, dire que si tu la famille te dérange au quartier, c'est ton problème. Mais comme c'est lui que le songe a touché, il faut qu'il ait l'interprétation. C'est là où le monsieur dit, ah ouais, roi vit éternellement. Il y a un type là-bas en prison, il donne l'interprétation du songe aux gens. Là, c'est comme on avait fait, mais pourquoi faire le venir ici? Ça, c'est Dieu. Donc, le songe et le trouble est entre les mains du roi. La personne qui peut guérir se trouve en prison. Il n'a pas d'autre choix que de le faire venir. Pas vrai? De la même façon comme le roi Saül avait des troubles sur lui. La personne qui pouvait résoudre ce trouble-là, c'est David qui était son remplaçant. Si tout le monde du quartier prenait la guitare et jouait, ça n'aurait pas de foi parce que la guitare de David est ouinte. La guitare de David est ouinte. Et là, maintenant, il peut jouer, ça a l'effet. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui contrôle ces événements. Si le Seigneur les bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si le Seigneur les délivre, celui qui délivre, délit en vain. Si le Dieu ne parle, qui pourra prophétiser? Vous voyez, n'est-ce pas? Des questions? Oui, mon cher. Oui, dans les 2, 3, 5. Oui. On peut dire que pour Moïse, il est décidé d'entrer dans le Dieu comme serviteur. Comme serviteur, oui. Mais par ailleurs, bon, il a tapé au fond de la croix. Oui. Est-ce qu'en lui faisant, il a faute ou bien il a fait comme ça? Quelle est la relation que tu mets sur ce de Hébreux chapitre 3 et le passage que tu viens de parler d'Ameriba? Pourquoi tu dis, ici on dit qu'il était fidèle comme fils, comme serviteur sur sa maison. Et là tu parles dans le livre des Nombres pour dire, il a frappé le rocher 2 fois. Pourquoi tu mets une relation entre les deux? Parce qu'on a pensé qu'en faisant sortir le peuple d'Égypte, il était censé conduire à Canaan. Quel est le verset qui te dit ça dans la Bible? Y a-t-il un verset qui dit que Moïse était censé le servir pour entrer à Canaan? Si tu trouves donc, tu nous dis. Dieu n'a jamais envoyé Moïse d'aller les retirer pour faire entrer à Canaan. Il n'a jamais dit ça. Nulle part. D'accord, pose ta question autrement. Dieu, c'est pour ça que la Bible, son principe est clair, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. S'il avait dit à Moïse que tu vas faire sortir pour faire entrer, Moïse va faire entrer. Mais il a dit, va, dis-leur, dis à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, laisse aller mon peuple qui fasse 3 jours dans le désert, qui m'adore. Quand, là où il a rencontré Moïse, il a dit que tu vas les faire sortir, ils vont m'adorer ici. C'est là où ça passe à arrêter. Voilà. D'accord, mon cher? Parce que c'est Yeshua qui fait entrer. Yeshua. Josué. Yeshua. Qui fait entrer le type de Jésus. Des questions? Oui, mon cher. Je voulais poser une question un peu dans la vie. En fait, aujourd'hui, on allait faire un travail avec... Dans la vie? Je vais dire dans le séculier. Dans la vie courante? Oui. Ça a rien à voir avec la Bible? Oui. Ok, si ça a rien à voir avec la Bible, je réponds. Si ça a rien à voir avec la vie, tu demandes les psychologues avec les sociologues. Ceux qui contrôlent la société. Parce que quand on est arrivé dans l'établissement, on a fini de faire un travail. Oui. Maintenant, le monsieur qui devait payer la facture, qui en fait c'est un établissement qui a une hiérarchie. Oui. Maintenant, on est allé dans le dos du principal de l'établissement. Oui. Et là-bas, maintenant, le principal a commencé à avoir un certain langage. Il lui demandait que bon, comme la facture c'est 60 000, quel est mon pourcentage dedans? Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que. Parce que quand j'ai essayé de réfléchir sur l'affaire, c'est que mon ami allait proposer un prix. Maintenant, est-ce que ce que je voulais poser comme question, c'est que est-ce qu'un enfant de Dieu, par exemple, dans cette circonstance-là, si par exemple moi, parce que j'ai réfléchi pour moi, si je me retrouve dans cette circonstance, que faut-il faire dans cette circonstance? Ton ami était présent, toi tu étais présent. Oui. Qu'est-ce que tu as dit de là présentement, à ce moment-là? Bon, ça ne me concernait pas parce que c'est lui qui. Oui. Qui m'a appelé pour venir faire votre. Et si c'est tourné vers toi, il disait que qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances, vous, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, ce que j'ai réfléchi, c'est que lui n'était pas en tort. Parce que ça? Mon ami, parce qu'il a donné le prix. Oui. Maintenant, le principal n'a pas su facturer. Oui. Donc, parce que lui, il s'est plaint auprès de moi après que, mais comment est-ce que lui, il veut être inclus dans l'affaire, or qu'il ne m'a pas demandé, il n'a pas su facturer. Oui. Donc. Si su facturer, c'est normal. Non. S'il ne se facture pas, il demande son intérêt. Il demande l'intérêt sur quoi? Il demande l'intérêt sur l'argent que... Il a deux façons. Soit il donne ou il ne donne pas. Et s'il ne donne pas, le proviseur lui fait les problèmes sur son argent et sur les éventuels marchés qui arrivent. Donc, c'est les deux opportunités qu'il a maintenant. Là. Oui. Mais la question maintenant, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il doit faire ça? Qu'est-ce que tu réponds? J'ai dit que lui, il peut faire. Il peut faire la surfacturation? Non, il ne peut pas faire la surfacturation. Il doit faire quoi? Ce que je veux dire, c'est que comme il n'y a pas eu surfacturation, oui. Le professeur lui demande ce que tu me donnes combien dans ton argent. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'enfant de Dieu? Bon, moi, selon moi, il peut lui donner quelque chose. S'il donne quelque chose, est-ce qu'il a tort? Non. S'il ne donne pas, est-ce qu'il a tort? Non. Autre question, frère? Y a-t-il autre question? Oui, j'ai une question. Ma question est la suivante. Pourquoi le Seigneur Jésus a fait plusieurs miracles, mais de manière différente? Pourquoi n'a-t-il pas fait d'une même manière tous les miracles? Ta taille, c'est quoi, frère? 1m80. Moi, j'ai combien? Je ne sais pas, c'est où quand je vous taille. Tu sais que tu portes, tu vas le faire, non? Oui. Parce que tu viens sur le miroir, tu fais comme ça, n'est-ce pas? Je sais. Est-ce que moi j'ai fait ça? Non. Comment je sais? Tu me demandes comment, pourquoi Jésus fait toute chose. Il a fait la même fleur, il discute, il y a plusieurs couleurs. Il t'a fait, tu es colosse, moi je suis petit. Pas tagné, là il a la voix grave. Ma verrue ne dérange pas, l'autre c'est le problème. Chacun est comme ça là. C'est le Dieu qui a la diversité complexe et en même temps en harmonie. Autre question? Oui, mon cher. Oui, dans 1 Corinthiens 14, 23, Paul parle des simples auditeurs avant. Je ne sais pas à ce sujet de qui il parle avant des simples auditeurs. Un simple auditeur parle... qui est simple, il ne dérange pas, il est seulement simplement là-dedans. Parce bon, et dans Acte 2, 4, aussi quand on peut parler en langue, oui. Les gens, après, ils arrivent. Bon, ils ont entendu ce qu'on disait. Oui. Bon. Et dans le cadre de l'église, on dit qu'il faut un interprète. Oui. Bon, pourquoi eux, ils entendaient ce qui était dit parce que personne n'interprète. Ce n'est pas dans le corps du corps. Ce n'est pas dans le cadre du corps là-bas. Ça, c'est au milieu de l'assemblée. Là, c'était en population. Autre question? Oui, tu es dans le même cas. Puisque la prophétie de Joël, que Pierre c'était, disait que on va, ils prophétiseront, ils ont des sons de vision. Oui. Ils parlaient en langue. Je ne sais pas si ça s'approchait parce que ceux-là, on a dit qu'ils parlaient en d'autres langues. Oui. Mais le pasteur que Pierre cite là-bas parle des prophéties, des sons et des visions. Et c'est, parce que, c'est quoi une prophétie, par exemple? Une prophétie, c'est annoncer peut-être des événements qui se produiront, peut-être qui vont se produire devant nous, donc pas des événements passés, mais qui sont... C'est que Daniel avait vu, on lui avait parlé directement, il avait vu ça en songe. Daniel est un prophète. Les choses qu'il a vues là, qu'il a annoncées, il a vu en songe alors qu'il dormait à la couche de sa nuit, ou bien on lui a dit directement. Les événements qu'il a racontés à des publications de ça. Quand tu lis le livre de Daniel, les événements qu'il a racontés, on lui a dit directement, ou bien il les a vus dans la nuit. C'est la prophétie ou c'est pas la prophétie? Hein, frère, je te pose la question. C'est la prophétie ou c'est pas la prophétie? Quand il annonce, c'est la prophétie. C'est parce qu'il annonce, c'est bon. Quand lui donne, c'est pour qu'il garde. C'est pour qu'il annonce. Donc, ça dit que la prophétie peut passer par des songes. N'est-ce pas, mon cher? Autre question. Je vais vous parler de ces ministères prophétiques-là. Oui. Dans un enseignement, tu avais dit, je ne sais pas où l'enseignement se trouve, tu avais dit que les prophètes dans l'Ancien Testament, eux, se sont créés eux-mêmes des problèmes. Je n'ai pas... Il parlait de quoi pour dire cette bout de phrase là? Donc c'était par rapport aux persécutions que les prophètes ont subies. Uh-huh. Ce que je voulais donc savoir... Comme par exemple quel prophète? Bon, il y en a plusieurs, par exemple Michel qu'on a appelé. Oui. Bon, ce que je voulais comprendre un peu, c'est qu'est-ce que tu voulais par là dire? Il voulait par là dire qu'il ne savait pas la diplomatie pour pouvoir s'adresser. Quand tu as les gens devant toi, tu peux dire que tu vas le voir le jour, tu vas voir, il fait tout bas. D'accord? Autre question, posez les questions importantes. Les questions, oui. Dans acte 15, les gens disent qu'il les a dit qu'on ne fait pas dans ça pour pas se confier à Dieu. Il ne se confie pas la foi, pas la loi, parce que avant que Pierre ou pour une commande de prédication, il y avait beaucoup de prosélytes. Ces prosélytes-là, comment ils sont arrivés dans le corps, donc comment on les a convertis? En fait, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le Seigneur? L'apôtre Pierre a déjà répondu à cette question que c'est par la foi que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Il a dit ça, non? C'est pas ça, frère. C'est ça. Comment tu sais que c'est ça qui me pose la question? Est-ce que la loi avait vocation à convertir? Si moi, une personne dans la loi qui avait été convertie, si c'est comme ça. Tu connais une personne qui s'est convertie à Dieu par la loi? C'est ce qu'on appelle la Bible appelle conversion, frère. C'est pour ça que tu les appelles prosélytes, parce qu'ils changeaient seulement de religion, qui étaient de camp païen vers le camp des soit pharisiens, soit ici, on les appelle les prosélytes. D'accord? Et comment les juifs les considèrent alors? Ils les considèrent justement maintenant comme à part entière, mais à une condition qui reste toujours dans la loi. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu, chapitre 23, Jésus va donner la malédiction aux pharisiens en disant malheur à vous pharisiens et sadducéens hypocrites. Parce que vous courez terre et mer pour faire de quoi? Des prosélytes. Après que vous l'ayez fait, vous faites comment? Un candidat deux fois plus grave que vous pour la géhenne. Parce que le pharisien ne s'est converti de cette façon-là. La conversion, comment on dit? La conversion des pensées, ça n'amène pas à Dieu. C'est la conversion des cœurs. Et c'est pour que ça soit comme ça, il faut que ce soit l'esprit qui le fait. Le changement de pensée, de ta façon d'agir, de comportement, on peut faire cela avec la morale. La Bible, il ne s'agit pas de la morale. Il s'agit d'abord de la loi de l'esprit qui entre. Quand ça arrive maintenant, la morale de Dieu vient en action par la suite. D'accord? Je voulais demander, quand on parlait de la chambre haute, mm-hmm. La chambre haute c'était comment? C'était une maison ou bien c'était, enfin, on parlait de 120 mm-hmm. qui parlait en anglais. Oui. Bon, c'est 120 là, c'est une chambre ou dans une maison, je ne comprends pas le terme de chambre en ce moment. Mais tu dis, quand on dit chambre, tu dis que c'est une chambre, c'est une maison ou c'est comment? On dit chambre haute, ça veut dire que la chambre qui est une maison en étage, du côté elle est en haut, comme nous sommes exactement ici. Oui. Quel est le problème? Et comment ça pouvait contenir 120 On t'a donné la dimension de la maison. Pardon? On t'a donné la dimension de la maison. Non. Voilà, quand on a dit 120, ça se pose que la maison pouvait contenir 120 personnes. Sinon, on n'aurait pas dit 120 dans une chambre haute. On a dit par exemple 3000 qui s'est converti au cours de la cour. Tu as demandé la dimension de la cour? Non. Mm-hmm. Donc ça dit qu'il pouvait convertir, il y avait au moins 3000 personnes là-bas. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Nous sommes combien ici là maintenant? Ah, tu n'as pas compté. Si, maintenant, si ça vient aussi ici, si dans la prochaine Bible qu'on va écrire, si on dit qu'ils étaient 80, tu dis que 80, c'est dans quel genre de maison 80, pas vrai? Des questions, pose la question. Je voulais poser une question. Dans l'Ancien Testament, on dit. Lorsque Moïse, épuisez votre question avant qu'il y en avance, d'accord? Lorsque Moïse donne la loi, mm-hmm. il dit celui en fait, qu'on vivait en mettant en pratique la loi. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que quand on prend, par exemple, le prophète Jacob, oui. Il dit que son âme va aller dans le séjour des morts. Oui. Ce que je voulais savoir, on prend aussi, par exemple, le cas de David. Mm-hmm. Il dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Oui. Il dit que son âme va aller dans le séjour des morts. Ce que je voulais donc comprendre, c'est, dans l'ancienne alliance, comment est-ce qu'on faisait pour être... Quel est le principe que Dieu utilisait pour justifier les hommes? Parce que lui, il va dans le séjour. Il ne justifiait pas le sang. Le principe n'a pas changé. La même chose qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est le même principe qui était dans l'Ancien Testament depuis même avant la loi. Dieu justifie. Il y a bon, un, le choix souverain de Dieu. Dieu présente ça depuis la Genèse. Le choix souverain de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui fait l'acte, la grâce, la justification et puis l'ordonnance par le Seigneur. C'est le principe depuis la Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils sont approchés de Dieu? Non. Ils ont fait qui est venu? C'est Dieu. Voilà. Quand il vient, c'est l'œuvre de la grâce là-bas. C'est lui qui vient parce que tu ne mérites pas. Il est venu, il les a condamnés. Oui. Qui a tué? Pardon? Il a condamné Adam et Ève? Non. Il les a condamnés. Toi, tu as dit oui. Il y a un verset qui dit qu'il les a condamnés. Bon, je vais dire, les a maudits. Il a maudit quelqu'un. Je vais dire, quand on prend par exemple Ève. Non, attends. Il les a maudits. Est-ce que Dieu les a rejetés? Non. Même si tu tapes comme ça, comme Patagne, ça fait pas mal, non? Si tu tapes comme ça, là, parce que tu as fait que demain, là, c'est la correction. Mais le mal là est ôté. Maintenant, regardons. Il a fait tuer un animal qui n'avait rien fait de mauvais dans le jardin. Un animal innocent pour montrer que c'est quelqu'un d'innocent qui peut couvrir la culpabilité. Ça, c'est la Genèse. Le premier principe de la façon du salut est établi. Tu vois, l'animal n'a rien fait. Dieu utilise un animal, la peau d'un animal pour le couvrir. Ça suppose que la chair de l'animal, c'est à part le vol de sa chair qu'on peut avoir la réconciliation. Vous me suivez là-bas, hein? Vous suivez là? Ok, maintenant ça veut dire que dans cet acte-là, Dieu montre clairement que le salut doit venir par la justification au travers du sang d'un juste. De quelqu'un qui est innocent, qui n'a pas participé, qui n'a pas été dans le péché. Est-ce que l'homme a quelque chose à voir dans le jardin? L'homme a travaillé sur son salut là-bas au jardin. Il dit, l'homme a-t-il quelque chose à voir sur son salut au jardin? C'est ainsi donc sur tout, jusqu'à la Bible, jusqu'à la fin. Le problème du salut ne dépend pas de l'homme. Maintenant, quand tu es sauvé, maintenant, il te dit maintenant, ok, va maintenant à faire telle ou telle chose. Quand tu es d'abord sauvé, tu es sauvé, tu te rends compte que j'étais nu. Ah, qu'est-ce que... Quand tu es sauvé, maintenant, il te dit maintenant, ok, pratique maintenant pour ne pas retomber. Tu vois cela, n'est-ce pas, frère? Donc, quand l'œuvre de la justification dans la loi, c'est la même chose. Jacob dit dans ce livre-là, quand on est venu, il dit que son enfant est mort, parce que c'est là où tu as décidé cela, où il dit que je vais descendre dans le séjour des morts. Tu voulais qu'il descende, ok, pas où? Le Saint-Bernard était en bas. Non, je vais dire que parce que mon problème se situe au niveau, puisque quand on lit la Bible, on voit que le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Non, c'est pas comme ça. Il faut bien lire la Bible et il faut écouter les enseignements. Jésus, lui, il est allé au séjour des morts, non? Oui. Il allait faire quoi là-bas? Il allait chercher les gens qui étaient. Qui? Les captifs. Les captifs qui étaient là. Qui étaient captivés par quoi? Par quoi, frère? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Par la mort, c'est la mort. Hébreu chapitre 2 le dit. Que puisque le Fils en part au sang, il y a eu même participé afin de délivrer, arraché de la main de la personne qui tenait la puissance de la mort, le diable, et qui tous les jetés gardés dans la peur. C'est la mort qui est l'ennemi des hommes. Chacun a-t-il vu là, chacun dit, oh, quand la mort veut venir, il peut donner l'argent. Il faut voir un riche, on met l'arme, chacun dit, il te donne 4 milliards. Parce qu'il faut que on le laisse respirer. C'est pas ça, frère? Quand il y a n'importe quoi, même si c'est n'importe quoi, oh, l'enfant tombe là. Quand l'enfant tombe, tu dis que laisse l'enfant tomber, même s'il agonise, frère, tu ne peux pas savoir. Par exemple, tu parles, il va dire que non. Même s'il faut aller chez le Maroc le relève d'abord, on dit pardon à Jésus. On l'amène. C'est pas comme ça. Donc, si tu lis, vous suivez 1 Samuel, je crois qu'on en a parlé dans plusieurs enseignements ici où on parlait du séjour des morts, le séjour des morts, l'âme. Il faut suivre cet enseignement-là, fausse visite en enfer, le séjour des morts et autres, où j'en avais parlé. Il y a plusieurs choses à arranger dans les doctrines. Plusieurs choses à arranger dans les doctrines que nous avons aujourd'hui. Première chose, il faut comprendre bien la nature de l'âme. Cette partie de la personne qu'on appelle âme. Dans la Bible, cela a plusieurs terminologies. À un moment donné, l'âme est appelée cette personne-ci. L'être entièrement. À un moment donné, l'âme est appelée son souffle. À un moment donné, l'âme est appelée son sang. À un moment donné, l'âme est appelée son cœur. À un moment donné, l'âme est appelée son esprit. Il faut faire attention. Mais quand il s'agit de l'âme, qui est la partie qui est différente du corps et puis de l'esprit, quand il s'agit de cela, c'est de ça dont on parle. Lorsqu'il dit que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption, c'est sombre. Tu comprends cela? Or, David ne parle pas de lui-même, il parle du Seigneur Jésus. Parce que l'apôtre Pierre va citer cela devant les Juifs en disant que, oh, qu'il me soit permis de vous dire que, rappelez que le patriarche, David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort et son sépulcre est enterré parmi nous. Or, comme il savait que Dieu lui avait fait le serment avec certitude qu'il ne laisserait pas son trône vide, c'est de la résurrection du Seigneur Jésus qu'il a parlé en disant que tu ne laisseras pas le glaive de ton serviteur au séjour des morts. D'accord? Donc, il ne verrait pas la corruption. Parce que l'âme va au séjour des morts, mais le corps doit voir la corruption. Remarquez très bien cette phrase-là. Parce que le corps doit voir la corruption, c'est-à-dire que la pourriture doit prendre la position de ce corps. Au-delà des 3 jours, la pourriture prend le corps. Parce que pour Lazare, il avait fait 4 jours, c'est pour ça qu'il sentait déjà. Vous comprenez cela en soi? Donc, la corruption avait atteint Lazare. Pour Jésus, la corruption n'avait pas atteint pour détériorer son corps. Donc, son nez n'était pas tombé, ses yeux n'étaient pas percés. D'accord, frère? Voilà, donc son corps n'avait pas connu la corruption. Dans l'intervalle de 3 jours, le corps ne connaît pas la corruption. En delà de 3 jours, le corps connaît la corruption. Et Dieu avait prévu que la limite, c'est qu'avant que la corruption ne commence, dans la pourriture du corps. Vous comprenez? Bon, maintenant, il dit, son âme ne doit pas demeurer dans le séjour des morts. Son âme ne doit pas demeurer dans le séjour des morts. Or, quand vous prenez les témoins de Jéhovah, ils disent, si le séjour des morts, parce qu'ils confondent cela avec, on va y revenir, on en a parlé déjà ici, ils confondent exactement cette terminologie, la Géhenne, avec l'enfer. C'est le mot qu'on a traduit dans certaines Bibles par enfer, ou quand vous dites, quand quelqu'un va mourir, il va aller en enfer, c'est le séjour des morts. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, que tu le veuilles ou pas, quand les gens mouraient, ils partaient en enfer, que ce soit le bon, que ce soit le mauvais. Mais le problème, c'est que l'enfer était divisé en deux. Quand vous allez lire le livre de 1 Samuel, où les Philistins avaient fait campagne pour battre Israël, Saül a cherché les gens pour les prophètes de haut-de-la-main, il n'a pas eu de résultats. Il allait chez la princesse d'Andor, la sorcière d'Andor. Il a dit, fais monter celui que je devais te dire. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a donné. Il a monté. Quand il a vu, il dit, je vois comme un dieu qui monte la terre. Il dit, quel est son habillement? Il dit, je vois un vieillard qui monte la terre avec le manteau. Il comprit que c'était Samuel. Il s'est prosterné. Voilà, n'est-ce pas? Là, Samuel lui dit dans cette vision, pourquoi m'as-tu troublé. Si il t'a de souffrir là-bas, quand tu le fais sortir un peu pour le feu, tu l'as seulement troublé ou tu le seulement faire aussi du bien. Hein? Voilà. Or, maintenant, dans Luc chapitre 16, le riche qui était là-bas avec Lazare, dans cette histoire que le Seigneur a racontée du riche, la Bible déclare qu'étant en proie au tourment, dans le séjour de mort, étant en proie au tourment, il priait seulement qu'on lui mette seulement le doigt de l'eau. Or, si celui-ci, on lui dit, sors un peu, pourquoi on cause un peu, il dit que, gars, continue la conversation ici, pour qu'il ne rentre pas là-bas. Pas vrai? Mais lui, Samuel, là-bas, le prophète Samuel dit à Samuel, à Saül, que pourquoi m'as-tu troublé? Donc, il était dans le repos. Tu comprends cela? Alors maintenant, ça veut dire, il y avait deux murs. Un mur qui séparait, enfin, il y avait deux lieux. Un endroit, comme le prophète Job voudrait y aller. Parce qu'il veut, oh, que c'est la souffrance comme ça, mieux je vais au séjour de mort. Parce qu'en fait, il savait que c'était le lieu de repos. Dernier jour, en comprenant pas cela, ils disent que non, si c'était un lieu de tourment, Job n'aurait pas souhaité y aller. Il savait qu'ils étaient justes, que Dieu leur a promis la justification. C'est pour ça que Hébreu nous dit qu'il ne voulait pas arriver à la perfection avant nous. C'est que tout le cortège entre. D'accord? Maintenant, donc, quand le séjour de mort, maintenant, il fallait que le séjour de mort, quelque chose, soit nettoyé pour que les chérubins qui empêchent d'entrer puissent être ôtés. Pour que la réconciliation ait lieu. On avait mis les chérubins là pour bloquer la porte. Maintenant, à la croix qu'elle a expliqué, elle a dit à quelqu'un là-bas qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, celui-ci ne passe pas en bas, il va directement en haut. Tu vois ça, frère? Parce qu'il n'est pas inauguré. Il a inauguré pour nous une route nouvelle, pas au travail du voile de sa chair. D'accord? D'accord, frère? Ok, donc maintenant, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les suivent. Quand on meurt maintenant, on est heureux plutôt. D'accord? Ça veut dire qu'on est allé. Maintenant, on dit au sein d'Abraham. Étant dans le sein d'Abraham, il était plus haut. On voit qu'effectivement qu'il était en haut. Parce que c'est le modèle de là où on réunit le peuple de foi. Le père de la foi, c'est qui? Voilà, c'est là-bas que ça se trouve. Tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont réunis dans ce lieu-là appelé le lieu de repos. D'accord, mes chers frères? Et ça ne se trouve pas en bas. Donc, avant, le séjour des morts s'est divisé en deux catégories. Vous lisez la Bible de la bonne façon, c'est comme ça que vous trouverez. Et la partie du corps qui y va, c'est l'âme. C'est l'âme. Maintenant, ce qui est en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à arranger. C'est que les gens disent que l'âme est immortelle. Tu lis la Bible, il n'y a pas une seule trace de ces versets-là dans la Bible. C'est pour cela qu'on a dit effectivement, parce que si l'âme était immortelle, ça suppose que l'âme est la personne a déjà la vie éternelle. Il n'aurait pas besoin du Seigneur Jésus. C'est justement parce que l'âme est mortelle qu'on a besoin de la vie éternelle qui vient pour demeurer en nous, pour nous permettre de vivre la vie de Dieu. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur Jésus dans Jean, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il ne craignait pas celui qui peut tuer le corps. Vous voyez, ça c'est la chair ici. Et qui ne peut rien faire à l'âme. craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et détruire destruction. Vous voyez, détruire l'âme dans la Géhenne. Ça suppose que si l'âme avait la vie éternelle, ne serait pas détruite. Parce qu'on ne veut pas détruire la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la personnalité même de Dieu. Amen. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, il faut résoudre le problème de l'âme. Résoudre le problème de l'enfer qui est divisé en deux. Résoudre le problème de la différence entre l'enfer et la Géhenne. Parce que la Géhenne, c'est là où il y a la seconde mort. Donc, quand vous mourrez maintenant, c'est la première mort. Ça suppose que si vous partez en enfer, ok, qui serait la Géhenne? On ne pourrait pas dire la seconde mort. Quand même, on se couche, on se repose, on s'endort pour les autres. Les autres maintenant vont toujours dans le lieu de tourment là. Comme quelqu'un qui tirait dans une cellule pour aller en prison. C'est ici, n'est-ce pas? Voilà. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on commence. S'il n'y a pas de questions, on commence. Bien, c'est pas la question. Moi, je vous en pose quelques deux ou trois questions. Ah, j'ai une question. Ça sort d'où, frère? Là, je suis mais je vois la pertinence, mais je ne sais pas. Le livre de Joseph. Dans Joseph, dans Matthieu 1, 19. Dans le livre de Joseph. Non, c'est au sujet de Joseph. Oh, okay. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, verset 19. Oui. On dit que Joseph était un homme de bien. Oui. Quand on dit que Joseph était un homme de bien, qu'est-ce que la Bible entend par un homme de bien? Et puis le fait qu'il ait gardé le silence sur la grossesse de Marie, est-ce que ça enlève quelque chose ou bien ça augmente quelque chose sur le bien parce que c'est l'homme de bien qui le tient? Regarde le gars là. Demande-lui ce qu'il cherche vraiment quoi au juste. Cherche quoi au juste? Comment tu fais une pose à la question? Toi, tu ris encore. Des questions, frère? Frère, ce qui meurt actuellement. Oui. Ce qui meurt actuellement. Vous voyez, ce type de question, c'est le type de question que frère Judas sera où? En enfer ou au paradis? Parce que je sais quelqu'un, je connais quelqu'un qui a dit qu'il a vu Judas au paradis. Il est au paradis maintenant, ça t'aide? Ça t'aide? Il a l'enfant, ça t'aide? Il dit que Joseph était un homme de bien. C'est quoi un homme de bien? Il sait effectivement ce que c'est qu'un homme de bien. Il veut me chercher la définition. Il dit que si, comme il a gardé le silence devant Marie là-bas, ça augmente quelque chose sur son bien, oui, ça enlève quelque chose s'il avait vu quelque chose. Oui, pose ta question ici. Ce qui meurt actuellement, oui. Comme Jésus-Christ a dit à celui qui était à sa. Le bandit qui était à côté de lui, là, que ce soit au paradis avec moi. Oui. Donc, à l'instant qu'on meurt maintenant, on part directement au paradis. Ça te choque pas, vrai? Oui, tu veux pas y aller? Parce que je ne comprends pas. Parce que... Le mot paradis. Oui. Paradis, ça veut dire quoi? Parce que paradis, ça veut dire quoi le mot paradis? C'est le lieu où Dieu demeure. C'est le lieu où Dieu demeure. Donc Dieu au paradis. C'est fort avec toi. Dans le trône de Dieu au paradis. Vous devez franchement lire votre Bible. C'est grave. Bon. Quand le Seigneur, entre le Seigneur Jésus et cet homme-là qui est mort avant. Le Seigneur Jésus. Lui, il est mort quand? Et Jésus a dit qu'il se reproduit à quel jour? Hein? Son âme a fait combien de jours à ce jour de mort? Vous devez lire votre Bible. J'arrive seulement avec vous. Vous devez lire vraiment votre Bible. Des questions? S'il n'y a pas de questions, j'ouvre la Bible. On parle. Oui, mon frère Constant. La Bible dit qu'il n'est pas permis à la femme de parler en assemblée. Oui. Je voudrais savoir. Qu'est-ce que c'est que l'assemblée? Oui. Y a-t-il des cas où la femme peut s'exprimer en assemblée si la Bible a dit qu'il ne permet pas à la femme? Oui. Bonne question. Ou 1 Corinthiens chapitre 14. Si vous avez le téléphone allumé, éteint. Si vous voulez en réseau, mettez là-bas. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous portez un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe sous l'édification. Acte chapitre 12. Ah, chapitre de Saïd, hein? Verset 5, à partir du verset 5 ici. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, pardon, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marthe, à Beaucoup. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit. C'est bon. Les deux situations qu'on a lues, maintenant tu as compris, tu as vu quelque chose. Maintenant, je vais te poser la question autrement. Pourquoi tu poses la question? Je pose la question parce que quand j'ai lu, voici mon appartement. Ça allait dans le sens de l'enseignement. Mais je peux dire que c'était un peu subtil pour moi parce que lorsque je lis, ma femme ne parlerait pas. Vous entendez là-bas. Frère, c'est que, frères et sœurs, c'est que je suis grippé. Il ne veut pas qu'on sache dans sa voix qu'elle est grippée. Donc, je dis ceci, moi quand j'ai lu ça, dans 1 Corinthiens 14, oui. A priori, moi je pensais à l'enseignement, oui. Que la femme n'a pas le droit de prendre la parole. Si elle veut s'interroger sur quoi, parce qu'elle rentre à la maison, oui. Elle s'interroge auprès de son mari. Oui. Bon. Mais là, ce n'était pas pour certains normaux. Bon, lorsque j'essaye de lire les deux cas ici, ce n'est pas un cas d'enseignement. Non, j'ai dit, hein, oui. C'est moi qui ai donné les cas, deux cas que j'ai donné là. J'ai lu, j'ai fait un stop. J'ai dit, maintenant dis-moi pourquoi tu poses la question, ne regarde pas ce que j'ai dit. Quand tu posais la question, quelle est l'intention derrière la question? Et puis, je vais te dire, j'ai lu deux... Non, ce n'est pas une question d'intention. Non, je vais te dire, c'est parce que si je réponds, ça peut ne pas répondre à ton intention. Okay, parce bon, que là, je réponds directement. Oui. Parce que le plus souvent, lorsque nous faisons des enseignements, oui. Au milieu de nous, oui. Il y a des soeurs qui peuvent poser des questions. Cite-moi un cas. Par exemple, la dernière fois. Ici. Non, à la maison. Elles ne sont pas au milieu de nous. Oui, je sais, il dit qu'elles ne sont pas au milieu de nous. C'est pour ça qu'il dit une pause d'abord. Au milieu de l'assemblée, oui, aucune femme. Permets, tu as dit que je permets. Oui, que je oui. La dernière fois, lorsque on était. Parce que, c'est pour ça que j'ai posé une question sur du DS. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'assemblée? Parce que. Non, moi, cette autre question, je ne répondrai pas parce que je sais que c'est quoi? C'est quand est l'assemblée? Oui, justement, c'est où je pose cette question. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec Le média. Le média. Oui. Il y a ce qu'on appelle la vidéoconférence. Oui. Et lorsque nous sommes en assemblée conférentielle, oui. C'est-à-dire les gens sont aux États-Unis. Assemblée conférentielle, oui. Oui. Gardez bien le mot. Assemblée conférentielle. Et, conférentielle. Des faits de pas et, oui. Et que nous sommes interconnectés. Oui. Là, je suppose que nous sommes en assemblée. Tu supposes ou c'est ce que la Bible dit? Nous sommes en assemblée. Vraiment? Parce que la Bible dit ceci. Là où il y a deux ou trois qui parlent en mon nom, oui. Je suis présent. Oui. Mais là, je te prends un exemple simple. Lorsque Aude, quoi, oui, j'ai compris ta pensée, c'est pour ça que j'ai fait stop. Parce qu'il répondait, personne ne saurait pas ici pourquoi tu poses la question. Parce que la question que tu avais posée une fois, j'ai mis un pause pour regarder, parce que pour suivre là où tu allais. Et tu as reposé, c'est pour ça que je voulais que tu reviennes là-dessus pour que tu puisses parler. On est d'accord, n'est-ce pas, frère? Oui. Voilà, maintenant, je comprends maintenant la question. Maintenant, je pose la question. Quand l'apôtre Paul écrit dans le livre de Romains, chapitre 16, versets 1 et 2, il dit, je vous envoie Phoebe. Il l'a écrit à qui? À l'église. Il dit que tout ce dont on a besoin, lui venez en aide. Elle va faire comment pour demander l'aide à l'église? Allons-y. Allons-y, frère. Non, ce gars, ça m'amène à poser une autre question. Que... Non, non. Après avoir répondu, tout simplement. Elle doit s'adresser à l'église. Comment? Elle peut venir vers moi. Elle peut aller vers quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas l'église, frère. Tu es un membre. Et lui, il écrivait à l'église. Comment on fait ça? Je vais vous faire creuser la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, je vous ai fait lire le verset 26. La Bible déclare, lorsque vous êtes assemblés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la femme se taise, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc l'initiative de prendre la parole ne l'est pas donnée. Pas vrai? Mais dans 1 Corinthiens chapitre 16, c'est chapitre 14, on dit que si vous avez les cantiques, vous pouvez chanter ensemble. Quand on chante, les femmes se taisent. Est-ce que quand on chante, les femmes doivent se taire? Voilà. La Bible déclare par exemple qu'elles peuvent avoir le don de prophétie. Pas vrai? Elles prophétisent comment? En parlant. Où ça? Dans les... Essaye de donner un seigneur, par exemple, une soeur qui a une prophétie. Comment elle va faire au milieu de l'assemblée, par exemple? Elle peut prendre un frère. Oui. Oui. Un verset biblique qui le dit par exemple. Non, je n'en ai pas. Dans ce cas, c'est pas ça, non. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez revenir. Bonsoir à vous. Je vous aime vraiment. Vous savez quelque chose? Il a dit assemblée comment il a dit ça? Hein? Conférentielle. En fait, dans son esprit, c'est ce qui est vrai. C'est que si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit. Écrivant à Corinthe, il dit n'étant même pas présent, n'étant même présent physiquement, je suis avec vous, notre esprit étant assemblé. Mais maintenant, si c'est chez vous que vous êtes unis, toi et ta femme, et notre chrétien, vous allez dépenser ensemble, même au téléphone, vous êtes unis, non? C'est pas ça, frère? Si tu es avec ta femme à la maison, l'autre frère est là, l'autre soeur est là, et qu'il y a un frère même au téléphone, vous êtes unis. Dans cet endroit, même ta femme doit se taire. On est d'accord? Comment tu dis quoi, frère? Tu n'es pas trop d'accord? Baissons la tête, prions, frère.